gede gi magi nyanya lawan moko bala menyi bi bansa mane betunya ku si beti Afrika don benereu d'ici ou d'ailleurs nous sommes des enfants d'Afrique même si le ciel tombé luttons pour la paix kon jamu Afrika mom la ñaan mané jamu Afrika moy suñu natangé Afrika ici ou ailleurs la paix crie du bonheur même si le ciel pleurait luttons pour nos frères kon jamu Afrika mom lay ñaan mané jamu Afrika moy suñu natangé Yo allo adu jam to Casablanca la ul mignona